s'appelle quoi? Le plus un peu fort, effectivement, pépère. Tranquille, pépère. Ils sont tous là-bas, vous faites quoi depuis tout à l'heure, on vous attend. Allez, go, les gars, go, go, go. Tu veux te faire la mal, fais-le avec la bien. Règle tes comptes avant qu'on s'occupe du tien. Il faut du